Matthieu, chapitre 7, qu'on est rendu ce matin. Et nous sommes dans le troisième chapitre, et le dernier, du Sermon sur la montagne, ou de l'Édit du roi. Et le Seigneur nous a présenté depuis deux chapitres déjà. On a commencé à voir le chapitre 7 la semaine passée. Comment ça va se passer dans le royaume de Dieu? Ou le royaume des cieux. Quelles vont être les règles pour vivre dans ce royaume-là? Pour les règles qui vont gérer ce royaume-là. Et il l'annonce au peuple d'Israël et aussi à nous maintenant qui faisons, qui sont en dehors du peuple d'Israël. Ce matin, Daniel m'a posé la question, que sa sœur avait posé la question, lui avait posé la question, pourquoi est-ce que Jésus ne répondait pas à la syrophénicienne qui criait de guérir sa fille? Et Jésus a répondu une parole qui, ça serait dit au Québec, on se ferait arrêter aujourd'hui pour diffamation, je ne sais pas quoi. Il a dit, je ne suis pas venu pour toi, on ne donne pas le pain aux petits chiens, on le donne aux enfants. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis d'Israël. Sa sœur a trouvé ça comme scandaleux un petit peu, comme pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi il est si dur avec cette femme-là? Il la traite de petit chien, dans le fond. Mais en tout cas, elle n'était pas insultée. Si vous voulez pour elle, faites-vous-en pas, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Laisse-moi, petit chien que je suis, licher les petites miettes en dessous de la table, ça va faire mon affaire. Et où? Elle avait bien compris qu'est-ce qui se passait. Il dit, Jésus est venu pour Israël, mais il savait que par ses disciples, par l'Église, ça déborderait dans le monde entier. Il n'est pas venu juste pour Israël. Il était venu juste pour Israël pendant qu'il était sur la terre, vivant. Mais il va atteindre les nations après ça par l'Église. Et ces mêmes règles-là s'appliquent pour les Québécois, pour les Africains, pour tout le monde sur la terre. Et ce même royaume-là est prêché dans le monde entier. Jésus dit, voici les règles qui vont gérer le royaume que je vais établir. Est-ce que vous les voulez les accepter? Est-ce que vous voulez que ces règles-là, dans votre vie, si vous voulez ces règles-là, vous pouvez entrer dans mon royaume? Je suis un petit peu différent des autres, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Plusieurs des gens qui vont prêcher ces chapitres-là vont prêcher ça aux chrétiens pour encourager les chrétiens à vivre selon ces principes-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que le sermon sur la montagne n'a pas été prêché dans une église. Il a été prêché dehors, à une foule de monde qui n'était pas chrétien encore. Et Jésus les invitait, ces gens-là, à venir dans son royaume, à entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il a dit, quand on a lu le chapitre 6, « Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez-le. » Il n'était pas encore entré dedans, mais il dit « Cherchez le royaume des cieux. » Premièrement, que ce soit le but de votre vie, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mais c'était Dieu avec toutes ses règles. C'est pas une place, là, à quelque part, qu'il y a une belle maison pour moi, là, puis je vais être bien, là, puis ça va faire mon affaire, là, puis je vais pouvoir faire tout ce que je veux, là, puis il n'y a plus de problème, là. C'est pas une place, le royaume des cieux. C'est une personne. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que tu cherches une personne qui va régner dans ta vie. Si tu la cherches, elle, en premier, je vais te faire entrer dans le royaume des cieux. Cherche-moi, et tu vas rentrer dans le royaume des cieux. C'est ce que David a dit à Salomon avant de mourir. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Et si on cherche une place, moi je vous dis que vous ne la trouverez jamais. Si vous cherchez une personne, la Bible dit quoi? Il se laissera trouver par vous. Cherchez Dieu, il va vous enfarger pour que vous le trouviez. Il va se mettre devant vous, vous allez foncer dedans. Il ne se cache pas, vous savez. Et il dit, voici. Et donc, ces règles-là que tu as parlé, c'était pour inviter les gens à dire, regarde, est-ce que vous voulez vivre demain? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ces règles-là reflètent qui je suis. reflète qui je suis. Et si ces règles-là, vous les repoussez, vous les rejetez, vous ne voulez pas vivre selon ces règles-là, vous me rejetez moi, donc vous ne pouvez pas être avec moi. Et on a vu ça ensemble, que Jésus va annoncer ses couleurs très clairement, sans aucun équivoque. Il va dire au peuple d'Israël, il va dire à ses disciples, parce que ses disciples ne sont pas encore rentrés dans le royaume des dieux. Ses disciples ne sont pas encore compréhensifs de ce qu'il est en train de faire. Avez-vous un bel exemple de ça? L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Il ne veut même pas que Jésus meure sur une croix. Il sort son épée. Puis il dit, vous ne le prendrez pas. Je ne vais pas vous laisser le tuer. Pauvre Pierre, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, là. Il veut empêcher Jésus de le sauver. Parce que Jésus veut le sauver par la mort. Puis Pierre dit, tu ne mourras pas. Il ne comprend pas. À Dieu ne plaise. Dieu ne veut pas que tu meures, Jésus. Voyons donc. Moi, l'empêcher, moi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas encore ce qui se passe, mon cher Pierre. Les apôtres ont compris l'Évangile, si je peux dire ainsi, après que Jésus soit mort et ressuscité. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tout d'un coup, leurs yeux se sont ouverts et ils disent, ah, ben, mon homme. Là, on comprend. Là, ils comprenaient tout d'un coup ça. Et il leur dit, dans le monde des cieux, ça va marcher autrement que dans le monde. Il dit, il y a une nouvelle façon d'être béni. On n'est pas béni par la performance, on est béni par notre humilité. Heureux les humbles d'esprit, heureux les pauvres en esprit, heureux les mendiants spirituels. Et ces autres, eux autres vont être bénis. Les autres vont posséder le royaume des cieux. Pas ceux qui se vantent de leur accomplissement, mais ceux qui savent qu'ils sont capables d'accomplir rien vont être bénis. Ils disent, dans le royaume des cieux, il va y avoir une nouvelle raison de vivre. Vous ne vivrez pas pour votre gloire. Vous allez faire toutes les œuvres que vous faites, toute la lumière que vous allez projeter, tout ce que vous allez le faire pour que Dieu soit glorifié. Vous ne vivrez pas pour votre gloire, mais vous allez vivre pour Dieu seul. Cette semaine, j'écoutais un sermon sur Internet. Qu'est-ce que je ferais, moi, sans Internet? Je ne sais pas. J'ai écouté un sermon sur Internet d'un prédicateur évangélique qui encourageait l'Église à être fidèle. Fidèle. Puis il a parlé pendant qu'il fallait être fidèle, puis fidèle, puis fidèle, puis fallait être fidèle, puis fallait être fidèle, puis fallait être fidèle. Puis finalement, être fidèle, il a résumé ça. Puis quand il a eu fini, j'ai dit, oh, que j'aurais aimé que tu parles plutôt que Dieu est fidèle envers moi. Parle-moi de la fidélité de Dieu pour moi et non pas de ma fidélité pour lui. Parce que ma fidélité pour lui est très, très petite. Je sais que je vais être sauvé parce que lui est fidèle, pas parce que moi je suis fidèle. Mais à cause qu'il est fidèle envers moi, je vais rester fidèle. Mais si tu m'enlèves sa fidélité, moi je ne peux pas être fidèle. C'est impossible. Je ne peux pas être fidèle. Je vais être fidèle parce qu'il est fidèle. S'il n'est pas fidèle envers moi, je ne peux pas être fidèle envers lui. On va vivre pour lui. On va glorifier lui. Ensuite, on a vu une nouvelle façon d'interpréter la loi. Les Juifs se disaient, œil pour œil, dent pour dent, nanana, nanana. Et Jésus dit, moi, je vais vous résumer la loi. Là, vous soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Voilà. Être parfait comme votre Père Céleste est parfait. La marche est-elle assez haute pour vous autres? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Êtes-vous capable? Je garde ma petite fille depuis 3-4 jours. Puis, des fois, je dis, ah, allez, Audrey, fais ça là. Dans le papier, on va faire ça là. C'est trop difficile! Elle me dit ça. C'est trop difficile, papy, aide-moi, c'est trop difficile. Dans ma tête, je dis, un enfant de Dieu, c'est comme ça que ça vit tout le long. Un enfant de Dieu, c'est comme ça que ça vit tout le long, toute sa vie chrétienne. C'est trop difficile, papy! Pas papy spirituel, mais papa spirituel. C'est trop difficile, aide-moi! Et notre père spirituel nous aide toujours. Nous aide toujours. Mais c'est pour ça que Jésus dit ressembler à des enfants. Ils ont cette humilité-là de dire, aide-moi, je ne suis pas capable. Nous, on dit souvent, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je vais gagner mon ciel, la soie de mon front. Je suis capable, je suis capable. Je suis capable, je vais faire ça pour le Seigneur. Je suis capable. Nous, on a tendance à dire ça. Les adultes, on est capable. L'enfant est plus facile à dire, Je ne suis pas capable. Veux-tu m'aider, s'il vous plaît? Veux-tu m'aider? C'est trop difficile. Jésus dit, tu vas avoir une nouvelle façon de voir l'avenir. Dans le royaume des dieux, on ne s'inquiète pas pour l'avenir, mais on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu. Il dit, fais-moi confiance. Et le lendemain, il va prendre soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Dans le royaume des cieux, il dit, les gens vont vivre dans la foi envers Dieu. Ils vont vivre dans la confiance envers leur Père céleste. On a vu ensuite de ça, il va y avoir une nouvelle façon de juger. On a terminé avec ça la semaine passée. Il ne faut pas juger les autres. Il faut commencer par se juger soi-même. Il faut se juger soi-même et regarder la poutre qu'on a dans notre œil, que Dieu nous a dit. Jésus dit, tu as une poutre dans ton œil. Il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil des autres, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta poutre qui est dans le tien. On a tendance à juger. Le monsieur qui m'a envoyé son petit film d'une demi-heure, jugeait ma foi. Il aurait dû juger sa foi à lui en premier. Pour regarder à lui et sa foi, ça a été correct. Il est facile de juger les autres et les condamner. Ça, on est tous capables de ça. Hein? On est tous capables de ça. Tous capables. Et ça, on sait ça quasiment par naissance. Hein? C'est pas long qu'on est capable de faire ça. Mais Jésus dit, juge-toi toi-même. Ensuite, tu jugeras l'autre. De la même façon. Et quand je vais avoir enlevé ma poutre, je ne suis pas capable d'enlever moi-même, on a vu ça la semaine passée. Hein? Je ne suis pas capable d'enlever. Il faut que je demande au Seigneur d'enlever la poutre dans mon œil. Mais je lui demande, enlève-moi-la. Puis il l'enlève. Et quand la poutre est partie de là, on se met à voir les autres sur un autre aspect. On ne les voit plus de la même façon, les autres. On ne les regarde plus de la même manière. On ne se regarde plus de la même façon. Parce que la poutre n'est plus là. Et on ne peut pas se glorifier d'avoir enlevé notre propre poutre, parce qu'il faut demander au Seigneur de nous aider à enlever la poutre. Et dans le royaume des cieux, les gens ont tendance à se condamner au lieu de condamner les autres. Avez-vous une histoire là-dessus? On va voir ça plus loin dans Matthieu. Une histoire qui me vient à l'esprit de quelqu'un qui se condamne lui-même au lieu de condamner les autres. Le publicain dans le temple, hein? Le pharisien est en avant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Seigneur, je ne suis pas surpris que tu m'aimes. Je suis tellement fin. Là, j'ai traduit en québécois. Je suis tellement fin. Je jeûne et je prie et je donne de l'argent au monde. Je suis tellement fin, moi, Seigneur. Je ne suis pas comme lui. Là-dessus, qu'est-ce qu'il fait, là? Hein? Il se vante là, pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Mais c'est au devant. Je ne suis pas comme lui en arrière, là. Ce bandit-là, là, ce fatigant-là, là, ce méchant-là, c'est un voleur, un publicain, c'est un... Moi, je suis tellement beau et fin. Pas surpris que tu m'aimes. Hein? On a fait ça un peu en rien, mais c'est ça la réalité, là. Puis le pauvre gars dans le fin fond de la salle, la tête entre les deux jambes, puis il se frappe la poitrine, puis pardonne-moi, puis il se condamne lui-même. Il se condamne. Il se juge, puis il se condamne. Pardonne-moi, je suis un grand pécheur, pardonne-moi. Et Jésus dit, toi, tu vas rentrer dans le royaume. Pas toi. Voyez-vous? Jésus dit, dans le royaume, les gens se condamnent eux-mêmes. Ils ne condamnent pas les autres. C'est-tu votre façon de vivre? C'est-tu ma façon de vivre? C'est-tu comme ça qu'on veut vivre? En se condamnant soi-même, mais de condamner les autres. Je vous garantis, j'ai fait 30 ans que je suis pasteur, ou en tout cas, j'emploie le mot pasteur, même si je ne pense pas que je suis un pasteur. Ça fait 30 ans que les gens viennent dans mon bureau se plaindre des autres. C'est rare, les chrétiens qui sont entrés dans mon bureau en se plaignant d'eux-mêmes. Pauvre pasteur, je viens vous voir parce que je suis tellement méchant, j'ai besoin d'aide. Je suis tellement malheureux parce que je fais des pires. C'est rare que j'ai vu ça, bien rare. Ils viennent dans mon bureau et ils me parlent du couple, de l'autre partie du couple. Leur conjoint, leur femme, leur boss, ils parlent des autres. Ils ne me parlent pas de eux et de leurs problèmes, ils me parlent des problèmes des autres. Que les autres sont donc malheureux parce que les autres ne font pas correct. Ils viennent... Ça, c'est pas la façon de vivre dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on se condamne soi-même. On se condamne soi-même. On disait quand j'étais plus jeune, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ça veut dire par ma très grande faute. Hein? C'est ma faute. Hein? C'est ma faute. Hein? Et ce matin, on va en voir un autre, chapitre 7. Chapitre 7, verset 7. Dans le monde des cieux, il va y avoir une nouvelle façon de demander. Bye, Christiane. Bonne journée, bonne semaine. Une nouvelle façon de demander. Hop, je vais ouvrir ceux qui veulent voir. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Celui qui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Je ne sais pas combien de fois dans ma vie chrétienne j'ai cité ces versets-là. Et combien de chrétiens m'ont cité ces versets-là quand on parlait de la prière? Hein? Quand on parlait de la prière. Demandez et vous recevrez. Alors, je l'ai entendu même avant de devenir chrétien. Dans ma famille, vu qu'on était catholique, ma mère disait ça. Demandez! Demandez au Seigneur! Ce n'était pas toujours au Seigneur, c'était des fois à des saints. Mais demandez et vous allez recevoir. Jésus l'a dit. Demandez! Et là, on s'usait nos pantalons à se mettre à genoux pour demander, puis on ne se recevait pas. On ne se recevait pas. Une fois, j'ai fait un petit test. J'ai parlé de ce passage-là. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez aux ouvriers. J'ai demandé aux chrétiens, dans quel contexte biblique ça a été dit ça? Quand est-ce que Jésus a dit ça? Sur 10, savez-vous combien ont su me répondre? Zéro. Tout le monde connaissait le verset. Pas un était capable de me dire, c'est Jésus qui a dit ça dans le sermon sur la montagne vers la fin de son sermon. Il n'y a pas un qui m'a dit ça. Mais tout le monde connaissait le petit verset. Et là, on le met, puis on prend ce petit verset-là, puis on l'adapte à nous, dans notre situation à nous, puis on met cela, puis on dit, le Seigneur a dû demander, donc je demande, puis je vais recevoir. Je frappe, et il va m'ouvrir. Ah oui, il l'a dit. Mais on le sort complètement du contexte du sermon sur la montagne. C'est pas pour rien que ça a été marqué, ça a été mis là, dans ce contexte-là. C'est pas pour rien que Jésus l'a mis là, ces versets-là. Il y a quelque chose avant, puis quelque chose après. Il y a un contexte, il faut le laisser là pour le comprendre. Et ici, dans le royaume, il dit, vous êtes invités à demander. Demandez. Et Jésus ici invite les gens, il dit, dans le royaume des cieux, demandez. Demandez, demandez, frappez, cherchez. Il dit, demandez. Donc, la permission nous est donnée. Le droit nous est offert, le privilège nous est offert de demander au Père Céleste, à Dieu. Tout un privilège. Moi, c'est quand ils disent, il y aura une porte ouverte à la ville de Mont-Tremblant, et venez, venez et demandez ce que vous avez besoin dans la ville de Mont-Tremblant. Demandez au marguillier, et au conseiller, je veux dire, et avec le maire, demandez-leur ce que vous voulez avoir dans Mont-Tremblant. Si vous ouvrez une porte demain et tous les citoyens viennent, on dit, on va les demander, ils nous invitent à aller leur dire ce qu'on veut. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est un privilège. Surtout s'ils nous disent après, et vous recevrez. Waouh! On va les demander. Moi, j'ai des petites choses à demander. La première chose que je demandais, viens donc réparer la foutue côte que je monte, elle est pleine de trous. C'est comme ça quand je passe. On vient de demander un paquet d'affaires. Hein? Il dit, viens de demander. Donc, dans le monde des cieux, venez demander, mais pas à n'importe qui. À qui? À lui. Parce que le verset, c'est « Demandez-lui, à lui. » Et il vous répondra, le Père Céleste. Hein? Il compare si le Père Terrestre avec le Père Céleste. Il dit « Demandez à votre Père Céleste. » Pas à d'autre, à lui. Il dit « Demandez au Père Céleste. » C'est pour ça qu'il a enseigné. Quand vous priez, dites « Notre Père. » Demandez au Père. Demandez-lui. Donc, il nous est demandé ou encouragé, ou nous sommes stimulés, nous sommes enseignés que que nous, dans le royaume des cieux, on peut demander à Dieu ce que nous avons besoin. OK? C'est dit. C'est clair ici. Il dit en trois façons. Demande, cherche, frappe. C'est toujours la même chose, ça veut dire. Hein? Frappe, demande, cherche. Donc, c'est clair, ça. On peut demander à Dieu des choses qu'on a besoin. Et il fait la promesse que si on demande, si on frappe, si on cherche, il va répondre. Hein? La promesse est faite, c'est clair. Il ne peut pas avoir plus clair que ça. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc la promesse est formelle. Dieu dit, demande et je vais répondre. Frappe et je vais ouvrir la porte. Cherche et je vais faire que tu trouves. C'est formel ici, c'est pas plus limpide que ça. C'est bien clair. Ensuite, il dit, vous autres, vous êtes des pères, des mères, terrestres, humains. Puis il nous dit qu'on est quoi? Tout fort. Méchant. Méchant. On n'aime pas ce petit bout-là, hein? Mais il dit pareil. Il dit, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, lui demande du pain, s'il demande du poisson, on sait pas. Si donc, méchant, il s'adresse à la foule qui est là, méchant comme vous êtes, essayez pas de me faire croire que vous êtes bon. Essayez pas de faire croire à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, que vous êtes un bon père. Jésus a dit que vous êtes méchant. Je suis méchant. On a bien beau dire ce que vous voulez. Votre femme peut bien dire ce que vous voulez. Votre mari peut bien dire ce que vous voulez. Jésus a dit ici, vous êtes méchant. Il dit, malgré votre méchanceté, vous donnez à vos enfants des bonnes choses qu'ils ont besoin. Hein? Un morceau de pain, quand vous demandez. Si vous lui demandez un morceau de pain, vous ne lui donnez pas du poison à rat. Si vous lui demandez une banane, vous ne lui donnez pas un serpent. Quand Audrey, un matin, elle s'est levée, elle a dit, « Papy, veux manger une banane? Veux manger une banane, papy? Veux manger une banane? » Elle en envoyait dans le plat. « Veux manger une banane? » Je dis, « Assieds-toi. Je ne vais pas arriver et mettre un serpent dans l'assiette. J'avais enlevé les plumes en plus. » Hein? Même si j'étais un méchant, hein, j'ai donné à ma petite fille quelque chose de bon à manger. Il y en a qui argumenteraient, c'est peut-être pas aussi bon que ça dans l'air. Mais en tout cas, elle l'a mangé, elle a dit, « c'est bon, papy. » Elle a tout mangé. Là, il dit, moi qui est bon, moi le Père Céleste qui est bon maintenant. Et là, il nous compare à lui. Si vous, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, moi qui est bon, à combien plus forte raison je vais vous donner des bonnes choses, si vous me le demandez. Il dit, si le méchant Père donne de bonnes choses, il me semble la logique, c'est quoi? Le bon Père va en donner encore des plus... C'est normal, hein? Et cette pensée-là, là, cette façon d'enseigner-là, vous allez la retrouver dans la parabole du juge unique, vous allez la retrouver dans la parabole de celui qui frappe à la porte pendant la nuit. C'est le même principe, même enseignement, la même façon d'introduire la vérité. Vous êtes méchant, vous donnez des bonnes choses? À bien plus forte raison, moi, je vais faire les bonnes choses. Je suis un juge unique, il fait les bonnes choses. Moi, je suis un juge juste, moi, certainement, je vais faire une bonne chose. Si l'ami qui n'est pas vraiment un bon ami vous donne du pain à son ami, moi qui est votre grand ami, je vais certainement vous donner du pain aussi. C'est le même enseignement partout, là. Jésus dit, moi qui est un bon père, demandez-moi et je vais vous donner des bonnes choses pour vous. C'est où le problème, donc? Ça semble clair, ça, cette affaire-là? C'est facile, mais ça m'a compris. C'est quoi le problème? C'est comment on définit les bonnes choses. C'est quoi ces bonnes choses-là? Si Audrey ce matin, elle l'a fait, quand elle s'est mise s'asseoir au comptoir, elle a dit, « Papy, je veux un coco en chocolat! » Parce que mamie avait amené un coco au chocolat. « Je veux un autre coco au chocolat. » Je dis, « Non, pas matin, ma fille. Après-midi en collation, peut-être, mais pas matin. Je n'ai pas donné. » Même si ça s'est mis à pleurer, je n'ai pas donné un coco au chocolat à 6h30, à 7h du matin, en commençant sa journée. Qui est-ce qui va définir c'est quoi les bonnes choses? Le père ou l'enfant? Vous le savez tous, c'est quoi la réponse? C'est le Père. C'est le Père qui décide c'est quoi la bonne chose. C'est pas l'enfant. Parce que vos enfants, vous ne donnez pas tout à vos enfants ce qu'ils vous demandent, n'est-ce pas? Mais non, parce que les choses, vous dites, c'est pas bon pour toi, je ne vais pas te donner ça. Ben, c'est parce que ses parents, ils sont méchants. Ils sont méchants. On est tous méchants. Oui. Mais chaque parent a sa limite. Si un enfant de 5 ans dit de moi écrit du char, on dit non. Si on dit de moi un portefeuille, tout le monde dit non. On va en laisser tomber un peu, là, mais on ne fera pas tout ce qu'ils disent. Là. On est limité, chacun de nous. Peut-être que notre marge est un petit peu différente à chacun de nous, là, mais on ne laisse pas tout. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Les bonnes choses, de quoi il parle? Ma compréhension, c'est ce qu'il vient de dire dans chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Ça fait deux ou trois heures qu'il prêche peut-être. Ça fait deux ou trois chapitres qu'il parle ici. Là. Il leur dit toutes sortes d'affaires qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, puis il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas avoir. Il dit qu'il faut avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens. Puis il parle de couper les mains, puis de faire ci, puis de faire ça, d'être parfait comme leur Père Céleste, c'est parfait. Il leur a donné des choses qui les a, en tout cas moi, quand je l'ai lu, ça me bouleverse parce qu'il me dit, je ne suis pas capable, c'est trop difficile, papa. C'est trop difficile. Demande-moi-le, je vais le faire. Frappe et je vais t'ouvrir la porte. Demande-moi tout ce que je viens de parler dans ces chapitres-là. Jésus n'est pas en train de parler. Laisse-toi aller, mon François. Fais ta liste du Père Noël. Puis donne-moi ça le matin quand tu pries. Puis je vais te combler toute la journée. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas ça qu'il a fait comme promesse ici. Tu veux pas être malade, tu as mal aux pieds. Prie-moi, puis tu vas avoir arrêté ton mal de pied. Va arrêter tout de suite. Tu vas voir. Essayez-les. Mais là, ouais, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas si bien que ça. J'ai-tu conté l'histoire de quand mon gars était allé en Asie, qui est tombé dans le trou? Mon gars, ça va en Asie, puis il va visiter une grotte avec sa blonde. Mais un peu téméraire, pas de guide, personne dans la grotte, ils sont juste seuls les deux. Là, ils se promènent avec leur lampe de poche, puis ils visitent la grosse grotte. Là, hop, il arrive devant un trou, un gros trou. Puis il regarde dans le fond, puis il ne voit pas le fond. T'as noir là-dedans. Mais au-dessus, il y a un morceau de bois qui traverse le trou. Là, tu sais qu'est-ce qu'on fait, hein? Il teste le morceau de bois. Sa blonde a dit, oh non, on va retourner de bord. Il avance un petit peu. Oh non, non, je pense que ça va être correct. Je pense que c'est assez fort. Dans le bas, oh là-bas, bing, bang, bang, là-bas, jusqu'en bas, bang, mon gars. Sa gueule, mon gars. Sa blonde crie au meurtre parce qu'elle ne le voit plus dans le trou en bas. Puis là, lui, il est en bas, puis il se lamente. Oh! Tu sais ce que ça fait quand tu. Là, il avait tout le dos irrité, puis là, elle ne voyait pas. Puis là, il dit, je ne suis plus capable de bouger. Puis il gueule, mon gars, je ne suis plus capable de bouger. Puis, moi, j'avais été là, j'avais paniqué aussi, là. Tu es dans le trou noir, il n'y a personne en entour. Tu es tombé dans un trou. Sa blonde, qui est la fille d'un médecin, d'une femme médecin, elle a dit, parce que les petites connaissances qu'elle avait, Jérémie, si tu te lèves maintenant et tu remontes ou tu ne remontes pas. Parce que plus tu vas attendre, plus ça va être raide, plus ça va faire mal. Sur l'adrénaline que tu as, monte parce que tu vas rester en bas. Il a monté, il a sorti du trou. Il a sorti du trou. Là, il m'a dit, il va parler à moi, à son papa, et il dit, j'ai dit, quand tu étais dans le trou, t'as-tu pensé à prier? Il dit, bien oui. Il t'a oublié de la voûte. Il n'est pas chrétien, il ne croit pas vraiment à Dieu. Il dit, ben oui, j'ai prié. Mais il dit, quand j'ai commencé, je me suis rappelé que tu m'avais déjà dit, si tu pries juste quand tu es dans le trou, prie pas, ça ne sert à rien. Il dit, je n'ai pas prié. Il dit, je n'ai pas prié. Il dit, je voyais bien, je ne crée pas en Dieu, je ne fais rien avec Dieu. Du coup, je vais me mettre à prier pareil comme s'il va venir me sortir du trou là juste pour le faire. J'ai dit, tu as bien raison, ta théologie est bonne. Dieu n'est pas comme ça. Il ne faut pas penser que Dieu, il nous suit là, partout ce qu'on va. Il faut essayer de nous sortir de tous nos petits problèmes. Là, que, voyons, non. Et quand il dit les bonnes choses ici, je crois qu'il parle de ce que lui vient de promettre. Parce que nous sommes dans un royaume, il est en train d'établir un royaume spirituel. Il est en train d'établir un royaume spirituel. Et c'est les bonnes choses qu'il nous parle ici, c'est spirituel. c'est spirituel. Parce que les enfants de Dieu, depuis 2000 ans dans l'Église, passent par tous les mêmes problèmes que les inconvertis. Quand la grippe passe, tout le monde l'a. Quand l'ouragan passe, les chrétiens se font faucher avec. Quand la maladie passe, les chrétiens l'attrapent aussi. Quand la bombe atomique tombe, les chrétiens vont exploser avec. Je vous garantis, ça a tombé là quelque part. Les chrétiens qui sont là vont crever avec les autres. Dieu n'est pas là pour ça. Il est venu établir un royaume spirituel. Les bonnes choses qu'il parle ici, c'est les choses. Il dit, si tu n'es pas capable de faire ce que je viens de te dire de faire, mais si tu le désires, si tu veux vivre selon ces règles-là du royaume des cieux, si tu veux vivre dans ce royaume-là, si tu veux chercher le royaume de Dieu en première main, et si tu veux vivre dans la confiance envers Dieu, si tu veux vivre dans la perfection avec Dieu, demande-moi-le et je vais te le donner. Ben moi, je l'ai fait il y a 30 ans passé. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Il l'a fait. Il l'a fait, il m'a sauvé. Il m'a établi comme enfant de Dieu. Je suis maintenant une maison de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu et j'ai une destinée merveilleuse. Il l'a fait. Quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait toujours. Mais je pourrais vous dire qu'il y a des milliers d'autres prières que j'ai faites qui n'ont jamais répondu. Parce que là, ce n'était pas les bonnes choses. Pas les bonnes choses. Soyons bien conscients, dans le royaume des cieux, les prières que vous allez faire, je vous l'ai dit qu'on a passé dans Matthieu 6, 90% du Notre Père, c'est quoi? On prie pour que Dieu reçoive ce qu'il mérite de recevoir. On ne prie pas pour nous. Père, que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite, Père, que... Aidez-moi. Que ta volonté... Que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous. On est en train de s'adresser à Dieu pour que lui soit glorifié, que lui soit exalté. Et puis, il y a une petite bout, pas long. Donne-moi mon pain quotidien. Ah! Une petite bout, pour moi. Mais nos prières devraient refléter ça. 80-90%, on cherche la gloire de Dieu. Peut-être un petit 5% pour nous. Mais souvent, c'est le contraire, n'est-ce pas? C'est 95% pour nous, 5% pour Dieu. C'est pour ça qu'on n'a tellement pas de réponse à nos prières. Nouvelle façon de prier dans le royaume des cieux. On va avoir un autre. Nouvelle façon d'enseigner. Verset 12. Dans le royaume des cieux, il va y avoir une autre façon de faire. Tout ce que vous voulez. Oh, c'est intéressant là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh, il dit. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Je suis allé sur Internet, puis j'ai pitonné. Faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Avez-vous déjà entendu ça? Avez-vous déjà dit ça à vos enfants? Fais pas ce que j'ai fait, fais ce que je t'ai dit, fais pas ce que j'ai fait. J'ai pitonné ça sur Internet. Des millions d'entrées là-dessus, mon gars. Il y en avait, du temps. Où ce que tout le monde se plaignait qu'il y a des gens qui avaient dit des choses qu'ils n'avaient pas fait. Et là, qui se plaignait au niveau du gouvernement. Le gouvernement nous dit de ne pas polluer. Regardez ce qu'il fait, il pollue. Puis il y avait toutes sortes d'affaires que le monde disait. Tout le monde, ça passait du gouvernement à la ville, aux citoyens, dans les écoles, les professeurs, à la police. Il y avait une place, c'était la police. La police, elle disait de faire, de respecter les lois, de faire ceci, de faire cela. Puis la police allait dans les écoles. Elle allait dans les écoles, puis elle disait ça aux enfants, il faut respecter les lois, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, la police, elle s'en va. Puis là, elle vient pour traverser le chemin. Puis il y a une petite fille là, au bord de la rue qui regarde, qui était dans la classe. Et la police, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Personne, elle traverse, mais il y avait une main rouge qui disait de ne pas traverser. Mais elle a traversé, elle n'a pas d'auto. La petite fille, elle est allée au bord, ben, elle dit, la police, elle dit, à quoi ça sert de nous avoir tous dit ça si vous ne faites pas vous-même? Vous nous dites de respecter la loi, vous ne la respectez même pas vous-même. Hein, on peut toujours faire ça. C'est donc facile, ça. Mais Jésus dit ici, dans le monde des cieux, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et si vous faites ça, vous allez accomplir toute la loi et les prophètes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, fais-le pas aux autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le, fais-le, fais-leur ce que tu aimerais. Jésus a une façon merveilleuse de simplifier l'enseignement. Des fois, là, c'est, je peux-tu faire ça? Maman, si Dieu voudrait que je fasse ça. Maman, si Dieu voudrait que je fasse pas ça. Est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse à toi? Est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça de toi? Si c'est non, tu ne le fais pas pour les autres. Si tu aimerais qu'on te le fasse à toi, ben, tu le fais à l'autre. C'est simple, hein? C'est tellement simple. Moi, je trouve ça tellement... Je ne dis pas que c'est facile à faire tout le temps. Mais je vous dis, c'est simple comme enseignement. Jésus le dit autrement ailleurs. Aime ton Dieu et aime ton prochain et tu vas accomplir toute la loi. C'est facile, hein? Deux choses. Aimer. Dieu, aimer son prochain. Ici, il dit la même chose. Ce que tu veux. Jésus, lui, il l'a fait, ça. Jésus, il l'a fait, ça. Il est descendu puis il est allé mourir pour le crétin que j'étais. Il est descendu sur la terre, a vécu là pendant 33 ans pour me sauver, moi. Il dit, va faire la même chose pour les autres, François. Va faire la même chose pour les autres. Vas-y. Va mourir pour les autres. La même chose que toi. Vous savez, je l'ai dit à mes enfants en tant que chrétien, je l'ai dit souvent, faites pas ce que je fais. Fais ce que je dis. Mais normalement, on ne devrait pas dire ça comme ça. Faites ce que je fais. Je devrais faire à mes enfants ce que j'aimerais que mes enfants fassent pour moi. Mais on ne le fait pas tout le temps. Hein. Juste ce petit verset-là, là, juste ça. Je vous donne ça, puis je vous donne 1 million d'années pour mettre ça en pratique, hein, en tant qu'être humain. Et vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable plus que moi. Vous ne le faites pas. Je ne le fais pas. On ne le fait pas. Là. On aimerait bien le faire. On aimerait bien le faire. En tant que chrétien, on désire le faire. On n'y arrive pas. C'est ça qu'on appelle le péché. Hein? Le péché, c'est quoi? C'est de faire aux autres des choses qu'on ne devrait pas faire. Tu ne veux pas qu'on te compte de mentir, mais pourtant, t'en comptes. Tu ne veux pas que ton mari parle en mal de toi, mais tu vas en parler en mal de lui. Tu ne veux pas que ta conjointe fasse ci, mais toi, tu vas faire ça, ta conjointe. On n'est pas capable. On n'y arrive pas. On s'en rend compte. Quand on le fait, on dit, oh, Seigneur, je l'ai encore fait une fois. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est simple. Il dit, faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Et ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le là. Faites-le là. C'est un principe que, quand vous avez des décisions à prendre dans votre vie, c'est un principe qui est tellement facile à gérer. Tu t'assis, tu t'arrêtes pendant 5 minutes, tu t'assis là et tu dis, est-ce que je devrais faire ça avec mon épouse, ou je devrais faire ça avec mon conjoint, ou avec mes voisins? Non, j'aimerais pas ça qu'on me le fasse. Non, non. Bon, c'est fini. Je ne le fais pas. Si on passe assez là, pour prendre le temps de le faire, est-ce que j'aimerais ça que lui dise ça de moi? Non, je ne le dirais pas de lui. Donc, ce serait tellement simple. Hein? Mais on ne fait pas ça. On aime mieux la loi des Juifs. Qui disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Ça, on aime ça. On aime ça. Jésus dit, mais dans le nombre des yeux, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va agir. Et êtes-vous content que quelqu'un ait venu vous parler du Seigneur? On devrait être content d'aller en parler avec quelqu'un d'autre du Seigneur. Si vous n'étiez pas sauvé, est-ce que vous aimeriez ça que quelqu'un vienne vous dire la vérité? Ben oui, vous aimeriez ça. Donc, pourquoi qu'on n'y allait pas le dire à quelqu'un d'autre aussi la vérité? C'est toutes des choses qui sont simples de même que Jésus a ici dans la pensée. Il nous en reste un bout, mais on n'aura pas le temps de continuer à partir du verset 12. Et on va le voir la semaine prochaine. On va arrêter là. Le Seigneur nous a montré deux choses ce matin. La prière, comment qu'on va demander, et aussi comment nous allons enseigner les autres. Moi, je vous garantis, là, si on prenait un de vos enfants, ou un de mes enfants, OK? Et là, on pourrait faire une statistique. Et on prend les 20 ans qui ont été chez vous, puis qu'on pourrait calculer à 20 ans qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, que les choses qu'il fait que vous lui avez dites de faire, en comparaison avec les choses qu'il fait, qu'il vous a vu faire. Combien vous pensez, c'est le pourcentage? Vous avez dit, fais pas ça là, fais ça là, fais pas ça là. Non, non, va pas là, là. Non, va pas faire ça, là. Non, ne dis pas ça, là. Fais pas ça, là. Et combien de pourcentage que a mis ça en pratique? Et c'est ça maintenant qu'il vous a regardé vivre pendant 20 ans. Et combien il va mettre en pratique de ce qu'il a vu faire de vous? C'est bien sûr que le pourcentage est plus élevé, n'est-ce pas? Les gens ne font pas ce que vous dites. En généralement, ils vont faire ce que vous ont vu faire pendant 20 ans. C'est ça que les enfants vont faire. C'est ça que Dieu, si je vis dans ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, si je vis une relation chrétienne avec lui, et dans ma relation avec lui, je vais le regarder faire. Quand je lis sa vie dans les évangiles, on va voir ça dans les semaines prochaines, la compassion de Jésus. Quand je le vois vivre, si les apôtres l'ont vu vivre, moi en tout cas, des fois je me dis, j'ai déjà pensé que les apôtres étaient chanceux de vivre avec Jésus pendant 3 heures, parce que je me suis dit, pas sûr que j'aurais aimé ça là. Parce que la façon qu'ils vivaient, ça devait toujours interpeller leur façon de vivre aux autres. La façon que Jésus agissait envers les gens, c'était le contraire de ce que les disciples faisaient. Tu sais que les disciples, quand ils n'ont pas voulu le recevoir, quand ils étaient à Samarie, Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seigneur, veux-tu qu'on commande que le feu du ciel leur tombe sur la tête? François, ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. C'est ça, vous arrêtez là, vous arrêtez avec Jacques. Oui, yes, t'as pas raison. Gang de. Ils n'ont pas voulu nous recevoir, puis ces Samaritains-là. Tu dis, j'aurais été le premier à dire, Seigneur, je vais vous aider, les gars. On prie-tu ensemble? Ça, vous arrêtez, ça arrêtez-moi, ça. Jésus dit, ben non, voyons. Vous savez pas de quoi vous êtes animé, là. Je suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver, moi. Mais où l'attitude de Jésus? Il y a une attitude tellement différente. Tellement différente. Toute l'attitude des gens autour par rapport à Zachée, mettons. Tous ces gens-là rejetaient Zachée, c'est un méchant, c'est un bandit, personne ne veut manger avec, personne ne veut aller dans sa maison. Yac! C'est un méchant, lui! Et Jésus dit, fais quoi? Bien, je sais, on va aller manger ensemble, écoutez. Zachée n'était pas comme... Jésus n'était pas comme les autres. Si vous côtoyez Jésus, si je côtoie Jésus jour après jour dans ma vie, dans ma relation spirituelle, je vais y ressembler, de plus en plus. Et un jour, la Bible nous dit qu'on va y ressembler à 100%. On va y ressembler à 100%. Dans le royaume des cieux, finalement, dans le royaume des cieux, tous ceux qui vont être entrés dans ce royaume-là vont mettre en pratique ces choses-là. Ils vont faire aux autres seulement ce qu'ils aimeraient être qu'on leur fasse. Puis ils vont pouvoir dire, faites ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est ce que je fais. Parce que dans le royaume des cieux, on va être semblable à Jésus, à 100%. On ne sera pas dur, là. Jésus en tant qu'homme, bien entendu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, ce royaume que tu nous invites à rentrer ce matin, que tu as invité ces gens-là à rentrer ce matin, était bien, bien différent du monde dans lequel ils vivaient. Et la grande majorité de ces gens ont refusé d'entrer. On va en avoir des exemples à s'en aller. La grande majorité n'a pas voulu entrer dans ce genre de royaume. Dans ta grâce, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous as convaincus et nous sommes entrés. Nous faisons partie maintenant de ce royaume. Et Seigneur, tu nous appelles à aller inviter les gens à Mont-Tremblant, à Huberdeau, à Sainte-Agathe, à la Conception, un peu partout où nous vivons. On les invite à entrer dans le royaume des cieux. Et on est conscient qu'il n'y aura plus d'élus. On est conscient que très peu vont entrer. Mais il y en a encore à entrer. Seigneur, on ne veut pas diluer quoi que ce soit, on ne veut pas changer quoi que ce soit, on veut juste dire la vérité telle que c'est. Et je suis convaincu qu'il y en a encore qui vont entrer. Il y en a encore qui vont décider par ta grâce, par ta bonté, d'entrer dans ce royaume. Ce royaume qui va être un monde parfait, un monde merveilleux, parce que tu vas être là. Et que tous ceux qui vont être là vont te ressembler. Nous allons être finalement débarrassés du péché qui est encore en nous. Nous allons être débarrassés de la chair qui nous empêche de faire ce que nous voudrions faire pour toi. Et nous allons vivre éternellement avec toi et avec les anges. Et nous allons te glorifier. Et nous allons chanter ce cantique nouveau. Et nous allons te bénir pour tout le bien que tu nous as fait. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Veuillez vous lever et on va chanter.